الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، louons déjà Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre troisième assise consacrée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce noble livre qui est le Coran a beaucoup de mérites, des mérites généraux et d'autres mérites spécifiques. Des mérites généraux et d'autres mérites spécifiques à certains sourates ou à certains versets comme le Fatiha, la grandiose sourate du Coran, ou le verset le Kursi, ayat le Kursi, qui est le grandiose verset dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela implique de notre part de s'occuper de façon particulière du livre d'Allah et de le lire aux différents moments de la journée et de le méditer et de le mettre en application. Et qu'on se rappelle que la lecture du Coran est une adoration de laquelle découle beaucoup de bienfaits et beaucoup de récompenses. Alif lam mim. Fais dur qu'à avant de t'asseoir. Fais dur qu'à avant de t'asseoir. Fais dur qu'à. Alif lam mim. Trois lettres. 30 hasanat multipliées par 10. Hein? 30 hasanat. Et chaque hasana est multiplié par 10. Les récompenses de la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont énormes. Ce livre qui a été décrit par notre souverain subhanahu wa ta'ala, قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Il est décrit ainsi dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, le faux ne l'atteint d'aucune part, et il est une révélation émanant d'un sage qui fait les choses à la perfection, qui est digne de louange. D'où l'importance de savoir profiter du Coran, car l'une de nos obligations envers ce Coran, c'est qu'il nous incombe de commercer avec le Coran, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un commerce intarissable, qui draine des grands gains dans ce bas monde et dans le delà. قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذلك dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui récitent et suivent le livre d'Allah accomplissent la prière et qui en secret et en public dépensent de ce que nous leur avons attribué, dans l'espoir d'un grand commerce au profit intarissable, ceci afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense, alaykoum salam, afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense et y ajoute un surcroît de sa grâce. Il pardonne et il est reconnaissant. Et qu'on se rappelle la réaction d'Abu Talha radiallahu anhu arda, quand ce verset a été révélé, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindriez le bien qu'une fois que vous dépenseriez de ce que vous aimez. Abu Talha a compris ce que c'est qu'un commerce intarissable. Il a offert sa ferme qui se trouve en face de la Qibla, de la mosquée du prophète alayhi salam, et il l'a offert pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gains de ce commerce intarissable, c'est le gain des hasanat. Notre messager, alayhi salatu salam, dans le hadith authentique qui est dans Sahih al-Jami', qui est chez Tirmidhi aussi, a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que alif lam mim, constitue une seule lettre, mais alif est une lettre, lam en est une autre, et mim également. Mais dites frère en Allah subhanahu wa ta'ala, ce commerce intarissable, Si on lit une page du Coran où il y a des centaines de lettres, combien de milliers de hasanat on gagne? Quelle œuvre est mieux que celle-ci? Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu connais une adoration très facile et à la portée de tout le monde qui a cette immense récompense comme la lecture du Coran? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a médité ce que le messager a dit à ses nobles compagnons et à toute la communauté aussi, qui parmi vous aimerait chaque matin aller vers Wad al-Batha à Médine ou au département de l'Aqiq pour ramener deux belles chamelles bien grasses, sans commettre aucun péché et sans couper les liens familiaux? Ils ont dit, radiyallahu anhum ardahum, nous avons dit, on aime cela au messager d'Allah. Le messager a dit alors, il faut aller le matin à la mosquée, réciter deux versets du livre d'Allah, c'est mieux que deux chamelles. Et trois versets, c'est mieux que trois chamelles. Et quatre versets, c'est mieux que quatre chamelles. Et de tout nombre de chameaux. Ça, c'est un commerce gagnant. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple des chameaux parce que c'est la fortune de l'époque. Et cela te montre la valeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la valeur du fait de commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa parole subhanahu wa ta'ala, combien cela va drainer pour la personne comme gain. Le fait de le lire, le fait de le méditer, le fait de le mettre en application, tout ceci va augmenter les hasanat de la personne. Et parmi les choses qu'on obtient, parmi les effets du Coran dans ce bas monde, c'est que les gens du Coran vont être élevés en degré dans ce bas monde. Avant le delà. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Et la base de la science et sa source, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam. Maintenant, imaginez maintenant combien de temps il nous sépare avec Abu Huraira, avec Abdullah ibn Mas'ud, avec Abdullah ibn Omar, avec tous les nobles compagnons. Et chaque fois qu'on les cite, on dit radiyallahu anhum. Et ça, c'est l'élévation que donne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui le récitent, qui le suivent et qui le méditent. Imaginez aussi nos contemporains parmi les hommes de science. Combien de fois on les cite et combien de fois on leur fait dua. Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Cheikh Rabih, Cheikh Ubaid, etc. Et tout ceci, cette élévation, il est concrète dans ce bas monde avant le delà. Le Coran, c'est la meilleure des sciences. Et c'est la source de toute science bénéfique. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève par ce livre certaines personnes et on rabaissera d'autres. Certains vont être élevés par le Coran, d'autres vont être rabaissés par le Coran parce qu'ils ne lui donnent pas d'importance, parce qu'ils ne le mettent pas en application, parce que Ibn Kathir rahimahullah a cité dans l'interprétation de ce verset dans Sourat la discussion que l'imam Ahmad rahimahullah rapporte de Abi Tufayl Amir ibn Wa'ila qu'il rapporte de Nafi' ibn Abd al-Harith. Il rapporte que Nafi' ibn Abd al-Harith a rencontré Omar ibn Khattab radiyallahu anhu warda à Asafan. Asafan, c'est une ville ou un endroit entre Jeddah et la Mecque. Alors que Nafi' ibn Abd al-Harith était le préfet et le représentant de Omar ibn Khattab sur la Mecque. Il était son préfet sur la ville de la Mecque. Omar, quand il l'a vu, il l'interrogea. Qui t'a laissé comme remplaçant sur les habitants de la Mecque? Nafi' ibn Abd al-Harith lui a dit Ibn Abza. Omar ibn Khattab lui a dit, mais qui c'est Ibn Abi Abza? Qui c'est Ibn Abza? Nafi' lui répond, c'est l'un de nos serviteurs. Omar s'étonna et lui dit, « Comment tu as laissé comme remplaçant, pour diriger les affaires de la Mecque, un serviteur ?» Nafi ibn Abd al-Harith lui répond, « Ô prince des croyants, c'est un mémorisateur du livre d'Allah et un savant en la matière de l'histoire de l'héritage, c'est-à-dire de la science de l'héritage, et c'est un juge. » Omar a dit, radiallahu anhu arda, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élèvera par ce livre certaines personnes et on rabaissera d'autres. Serviteur chez le préfet de Omar ibn al-Khattab sur la Mecque, et regardez la position quand Ada, Omar ibn al-Khattab a su la valeur de l'homme par le Coran, par la science qu'on renferme son cœur, regardez ce qu'il a dit. Il s'est arrêté là et il a cité la parole du messager alayhi salam. Donc il faut accorder une grande importance à la parole d'Allah azza wa jal, par son apprentissage, par sa récitation, par sa compréhension, par sa mise en pratique. Celui qui s'accroche au livre d'Allah sera bien heureux. Quant à celui qui délaisse le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affliction s'emparera de lui. Ici-bas, et dans le delà, ce qu'il attend, c'est encore pire. Dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le messager d'Allah a dit, celui qui dirige la prière pour les gens doit être celui qui a le plus de Coran. Ceci, frère Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une élévation dans ce bas monde. Même s'il est le plus jeune parmi eux, ou le plus pauvre, ou celui qui n'a pas aucun rang social, ben c'est à lui de diriger la prière, c'est lui qui a la priorité. Dans Sahih al-Bukhari, selon Amr ibn Salama, qui a dit, il y a eu la conquête de la Mecque par le prophète alayhi salatu wassalam, toutes les tribus se sont dépêchés à la Mecque pour se convertir et attester de leur soumission au messager alayhi salatu wassalam. Et attester leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala au messager alayhi salatu wassalam. Il a dit, mon père, ainsi que mon peuple, se sont dépêchés aussi. Et quand mon père est revenu de la Mecque, il a dit, je viens de chez un prophète véridique, qui a dit, priez tant à telle heure et tant à telle heure. Et quand arrive l'heure de la prière, quelqu'un parmi vous fait la danne et présidera la prière celui qui mémorise plus de Coran parmi vous. Quand le père de Amr ibn Salama, il a dit ça, ils se sont regardés entre eux. Et ils ont vu que j'étais celui qui avait le plus de Coran, alors que je n'avais que 6 ou 7 ans. Pourquoi il avait plus de Coran? Il l'explique lui-même, car je sortais à la rencontre des voyageurs qui revenaient de Médine. Il sortait, il rencontrait les caravanes qui arrivaient de Médine et il apprenait d'eux les versets qu'ils ont appris, le messager alayhi salam ou les sourates qu'ils ont appris alors qu'il était un garçon. Regarde, l'ambition où il est d'un jeune garçon, 6-7 ans. Et regarde comment il apprenait le Coran. Et compare maintenant le 6-7 ans de nos jours à Amr ibn Salama de cette époque. Compare nos adultes à Amr ibn Salama de l'époque il y avait 6 ans ou 7 ans. Et qu'on voit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette génération pour être les vizirs de son prophète alayhi salatu wassalam. Regardez cette détermination et cette ambition qu'ils avaient, radiyallahu anhum ardahum. Quand dans le delà, ce qui attend la personne qui a le Coran et qui le met en application et qui le comprend, c'est encore plus. Dans Sahih, Jami' et chez l'imam Ahmed ainsi que le Tirmidhi, le messager d'Allah a dit, il sera dit à celui qui a le Coran, récite et monte en degré et psalmodie le Coran comme tu le faisais dans ce bas monde, ta place sera au niveau du dernier verset que tu récites. C'est-à-dire ta demeure et ton élévation sera au dernier verset. C'est-à-dire que tout en récitant, il va monter en degré. Et le dernier verset qu'il aura récité, c'est là que ça va être sa demeure. Le Coran. Et le jour de la résurrection, le Coran vient comme intercesseur pour celui qui le récite et qui le met en application. Il vient comme intercesseur. Dans le hadith rapporté par Muslim, le messager d'Allah a dit, récitez le Coran, car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ses récitateurs qui le suivent. Et dans le hadith sahih, chez l'imam Ahmad et dans sahih Targhib ou Tarhib, le messager d'Allah a dit, le jeûne et le Coran intercéderont pour le soumis. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de la boisson durant la journée. Accepte mon intercession pour lui. Le Coran dira, ô Seigneur, je l'ai privé du sommeil la nuit. Accepte mon intercession pour lui et leur intercession est acceptée. Regardez, il n'y a rien d'étonnant. Le Coran va parler. Il va demander qu'il soit un intercesseur pour la personne, ainsi que le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala fait parler ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ils vont intercéder pour qui? Pour ceux qui jeûnent parfois en Allah subhanahu wa ta'ala et attendant les récompenses d'Allah et accomplissent cette adoration dans la sincérité et dans le suivi. Et le Coran va intercéder pour qui? Pour celui, regarde, le Coran il dit, je l'ai privé du sommeil la nuit. Ça veut dire que cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Des prières nocturnes en lisant le Coran, ou l'aïlu le Coran, alors que tout le monde est en train de ronfler. Et celui qui récite le Coran et suit les enseignements du Coran sera embelli par la couronne de l'honneur le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et Allah subhanahu wa ta'ala l'agréera. Dans le hadith Hassan rapporté par Tirmidhi et d'autres, et il est dans Sahih al-Jami' du Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahmatullah alayh, le messager d'Allah a dit, le Coran vient le jour de la résurrection. Il dit, ô Seigneur, embellis-le, et lui sera mis la couronne de l'honneur. Et puis, il dit, ô Allah, rajoute-lui, il sera habillé par les vêtements de l'honneur. Et puis, il dit, ô Allah, agrée-le, et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'agrée. Et lui sera dit, récite. Comme tu récitais dans ce bas monde, ta demeure sera fixée en fonction du dernier verset que tu auras récité. Ça, c'est ce qui attend ceux qui récitent la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, qui la mettent en application. Ce sont les récompenses dans le delà. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé par la mémorisation du Coran et de sa mise en pratique, mérite ce qui t'attend le jour de la rencontre d'Allah. Qui peut être mieux que toi? C'est pour ça que le messager d'Allah, quand Abu Dharr, radiyallahu anhu arda, lui a demandé un conseil, et lui a dit, préserve les droits d'Allah, car c'est la tête de la situation. J'ai dit au messager d'Allah, rajoute-moi. Et il a dit, récite le Coran, car c'est une lumière pour toi sur terre et une réserve pour toi au ciel. Une lumière sur terre Tu t'éclaires avec. Tu sais faire la différence entre le vrai et le faux. Entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et le hadith, il est Hassan. Il est chez Ibn Hibban, il est dans Sahih Targhib wa Tarhib. Et parmi les bénéfices du commerce du Coran avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne sera du nombre des particuliers d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des particuliers. Dans le hadith authentique, rapporté par Al-Hakim, par Ibn Majah et d'autres, le messager d'Allah a dit, Allah a des particuliers parmi les humains. Ils ont dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit, les gens du Coran, ce sont les particuliers d'Allah. Il faut comprendre par les gens du Coran, ceux qui le comprennent, qui le mettent en application. Et parmi les bénéfices du Coran, c'est que la personne qui fait partie du nombre, c'est que la personne va faire partie des meilleurs de ceux qui foulent la terre. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari, où le messager dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Il n'a pas dit que c'est les rois, il n'a pas dit que c'est les présidents, ni les ministres, hein, abadan. Mais il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Hein? Et ça, c'est le baromètre réel des situations. C'est le baromètre réel pour peser les situations. Hein? Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah. Médite, si tu veux être du nombre des meilleurs, il est dans le fait d'apprendre le Coran, de le comprendre, de le mettre en application et de l'enseigner et de propager ses enseignements. Là, tu fais partie des meilleurs humains chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es le plus pauvre de la terre, tu es le meilleur car ton cœur renferme la parole d'Allah. Tu la comprends, tu l'as mis en application, tu l'enseignes à la communauté. Et il n'y a pas mieux que celui qui oriente la communauté et lui enseigne la parole d'Allah. Il faut avoir cette ambition. Il faut être digne, reconnaissance de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne en est comblée. Et parmi les droits du Coran sur la communauté, c'est que les musulmans doivent avoir les comportements concernant le Coran. Ils doivent avoir les comportements enseignés par le Coran. Notre mère Aïcha radiallahu anha a été interrogée sur le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam et il a répondu à celui qui lui a posé la question, ne lis-tu pas le Coran? Il a dit si, je le récite. Et lui a dit le comportement du prophète d'Allah, c'est le Coran. Le comportement du prophète d'Allah, c'est le Coran. Hein? Cela veut dire quoi? Faut pas croire comme certains ignares disent c'est un Coran ambulant sur terre ou qui marche sur terre. Abadan, le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une créature. Cela veut dire que le messager d'Allah mettait en application les enseignements du Coran. Hein? Il récitait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la comprenait, alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui a donné la compréhension à sa communauté, et il mettait en application ce qu'il y a dans le Coran. Hein? Il s'est abstenu de tout ce que le Coran a interdit. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, dans le hadith, rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, a dit, il incombe à celui qui mémorise le Coran d'être connu durant la nuit quand les gens dorment. C'est-à-dire, d'être connu par ses prières nocturnes et sa récitation du Coran durant ses prières nocturnes. Et durant la journée par son jeûne. Il doit être parmi les jeunes les gens qui jeûnent la journée. Et par sa tristesse, quand les gens sont joyeux avec leur futilité, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il voit les futilités dans lesquelles les gens sont et comment ils sont à côté du bonheur et comment ils sont à côté en mettant pas en application ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il doit être connu par sa tristesse quand les gens sont joyeux avec leur futilité et d'être connu par ses larmes comme les gens rigolent et par son sérieux quand les gens polémiquent avec le faux et d'être humble quand les gens sont vaniteux. Il ne faut pas que le mémorisateur du Coran soit dur, ni inattentif, ni sévère, ni vulgaire. Ça, c'est le comportement du réel mémorisateur du Coran. C'est-à-dire, il est triste pour la futilité et la désobéissance des autres, et il vient pas polémiquer avec le faux, et il est humble, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas vaniteux, il n'est pas vulgaire. Abu Nu'aym, rahimahullah, dans le Hilya, cite que le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit: le mémorisateur du Coran, le porteur de l'étendard de l'islam, ne doit pas babiller avec ceux qui babillent, c'est-à-dire dire n'importe quoi, et dire des futilités et des vulgarités. Il ne doit pas suivre les passions avec ceux qui suivent leurs passions. Il ne doit pas jouer avec ceux qui jouent par vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, il le fait par vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a comblé de mémoriser sa parole. Il ne doit pas dépendre des gens, mais c'est les gens qui doivent dépendre de lui. Fin de citation des paroles de Fudayl. Allah, dans le Coran, ordonne la véracité et interdit le mensonge. Allah, dans le Coran, ordonne la générosité et interdit l'avarisme. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ordonne la modestie et interdit l'orgueil. Et nous devons avoir ces qualités et s'éloigner de toute mauvaise qualité, tout mauvais comportement. Frère, Allah, subhanahu wa ta'ala, fait partie aussi des droits du Coran, c'est qu'on doit le lire régulièrement pour ne pas l'oublier. C'est sûr que celui qui mémorise le Coran doit veiller à le réciter régulièrement de peur de l'oublier. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim: veillez à lire régulièrement le Coran, car pas celui qui tient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, il s'échappe plus facilement que les chameaux de leur corde. On l'oublie très vite. La personne ne le lit plus, ne révise plus, khalas, il va le perdre. Et il a dit aussi, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim: le lecteur du Coran est comparable au propriétaire de chameaux. Est comparable au propriétaire de chameaux attachés. Tant qu'il les surveille, il les conservera. Mais s'ils les laissent libres à eux-mêmes, ils s'échapperont. Et l'on est de même dans le Coran. Si la personne ne le lit pas, ne le révise pas, il va l'oublier. Muslim rajoute dans une version: et quand le mémorisateur du Coran le lit et prie avec le jour et la nuit, il le gardera. Et s'il n'agit pas ainsi, il l'oubliera. Et parmi les droits du Coran sur la communauté, c'est de le prendre comme juge dans tous les problèmes. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. La traduction approximative du sens du verset nous dit: si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sa'di, rahimahullah, a dit: Dans son explication de ce verset, Allah a ordonné de porter tout différent entre les gens, que ce soit au niveau des fondements de la religion ou au niveau des branches de celle-ci, de porter tous les problèmes vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son messager, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, car il contient le jugement de toute divergence. Et il a dit, rahimahullah, et la foi ne serait droite que s'il est bâti sur le livre et la sunna. Et celui qui ne ramène pas les problèmes vers le livre et la sunna n'est pas croyant en réalité. Fin des paroles de Cheikh Saadi, rahimahullah. Allah Azza wa Jal, à la fin de ce verset, a mis comme condition de la foi le jugement du livre, le fait de prendre le livre comme juge, ainsi que le messager, c'est-à-dire ainsi que la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Méditons comment ceux qu'Allah nous a ordonné de suivre réagissaient par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où leur suprématie, leur élévation. Le Bukhari rapporte qu'Abdullah ibn Abbas dit quand Uyayna ibn Hassan ibn Hudayfa est venu à Médine et s'est installé chez le fils de son frère, l'Hur ibn Qays, qui était un proche de Omar et qui fait partie des gens avec lesquels Omar se concertait. Hein? Et l'assise de concertation de Omar ibn Khattab, c'était les mémorisateurs du Coran, qu'ils soient jeunes ou âgés. Et Abdullah ibn Abbas faisait partie d'eux, alors qu'il était le plus jeune parmi eux. Donc les mémorisateurs du Coran, jeunes ou âgés, formaient l'assemblée de concertation à l'époque de Omar ibn Khattab. Uyayna, quand il est venu chez le fils de son frère, a dit au fils de son frère, « Oh mon fils, oh fils de mon frère, je vois que tu as une place chez l'émir, c'est-à-dire chez Omar ibn Khattab. Demande l'autorisation pour me rentrer chez lui. » C'est-à-dire pour qu'il vienne assister avec eux dans l'assise. Hein? Al-Hur ibn Qays a demandé l'autorisation pour Uyayna. Et quand Uyayna est rentré chez Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu ardah, il lui a dit, « Oh, Ibn al-Khattab, par Allah, tu n'es pas généreux avec nous et tu ne juges pas entre nous avec justice. » Omar s'est mis en colère au point qu'il a failli réagir. L'Hur Ibn Qays, quand il a vu la situation, lui a dit, « Oh, prince des croyants, Allah a dit à son messager, » et lui a cité le verset, « Khudil afwa. » وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Il a cité le verset dont la traduction approximative nous dit cela. Sois indulgent, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Il lui a dit, celui-là que tu viens d'entendre, qui vient de dire ces choses, et celui-là fait partie des ignorants par Allah. Et Omar n'a rien fait après avoir entendu le verset, il s'est arrêté là. Hein? Et il s'est arrêté à sa place. Il n'a pas réagi. Hein? Car Omar ibn Khattab faisait partie, comme tous les nobles compagnons d'Alim qui s'arrêtaient, qui observaient les ordres du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne les dépassaient pas. Là où ça les arrête, ils s'arrêtent. Peu importe la situation. Regardez dans cette situation, il est le commandant des croyants et le prince des croyants qui gère une contrée énorme à son époque. Hein? Et malgré cela, quand il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est arrêté net. Hein? L'homme l'a mis en colère. Mais le Farouk, radiyallahu anhu ardah, a entendu la parole du souverain, subhanahu wa ta'ala, sa colère a été dissipée. Et il a excusé le bonhomme, comme Allah lui a ordonné. On comprend pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, les a choisis pour être les vizirs de son messager, alayhi salatu wassalam. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, si les musulmans s'acquittent du droit du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, leur donne quoi? Premièrement, Allah les sort avec le Coran des ténèbres vers la lumière. Comme il est dit clairement dans plusieurs versets, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. Médite le verset, ce qu'il nous dit. Vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté, et il les guide sur la voie droite. وقال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Dans ce verset, il est dit ألف لام را. Ceci est un livre que nous te révélons afin que la permission de leur Seigneur, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant qui est digne de toute louange. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le Coran, les guide avec le Coran vers tout le bien. Et vers la clarté de la vie. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Il est dit dans le verset, ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses qu'une immense récompense leur est destinée. Il guide vers la voie la plus droite, vers toutes sortes de biens. Le Coran guide vers n'importe quel bien qui existe. Pour l'humanité, le Coran oriente vers ce bien. Et n'importe quel mal qui existe, le Coran nous avertit contre ce mal. Et en plus, il fait les bonnes nouvelles aux croyants. Hein? Ce qui les attend dans le delà. L'Allama Ash-Shanqiti rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, au commentaire de ce verset, il dit, Allah a cité dans ce noble verset de façon générale toutes les orientations vers la voie du bien, les voies les plus sûres, les plus justes que contient le Coran. Il dit, rahimahullah, et si on détaille ce verset de façon complète, nous allons passer sur tout le noble Coran, car ce verset contient de façon générale toutes les orientations vers le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Fin de citation des paroles de Shanqiti rahimahullah ta'ala. L'auteur de l'ayat Sati'at, arrivé à ce verset, a cité plus de 2800 orientations du Coran. Que ce soit en ce qui concerne l'aqida, les croyances, en ce qui concerne les comportements, en ce qui concerne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite, en ce qui concerne ce qui est arrivé aux populations et aux communautés qui nous ont devancés, et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la compréhension du Coran et sa mise en application. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran ainsi. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. وقال سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah guide avec, vers les chemins du salut. Et aussi Allah a garanti à ceux qui le récitent et le mettent en pratique de ne pas s'égarer dans ce bas monde et de ne pas être malheureux dans le delà. قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. La traduction approximative du sens du verset, il est dit, lorsqu'un guide viendra à vous de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas ici bas et ne sera pas malheureux dans le delà. Dans le hadith rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, ainsi chez le Hakim et d'autres, et c'est un hadith qui est hassan, le messager d'Allah a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous y cramponnez, vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du messager. Deux choses il nous a léguées. Le Coran et la sunna. Si on s'y cramponne, on ne sera pas égaré bi'idnillahi azza wa jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été cité, ce ne sont que quelques mérites de ceux qui remplissent leurs devoirs envers le Coran. Quant à ceux qui négligent les droits du Coran, ils seront égarés dans ce bas monde et malheureux dans le delà. Il est dit dans le verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Quant à celui qui se détournera de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, il mènera une vie pleine de gêne et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais, il lui sera dit tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné en enfer. Il sera ressuscité aveugle et abandonné en enfer parce qu'il s'est détourné de la parole d'Allah Azza wa Jal. وقال سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا. Il est dit dans l'autre verset, tout comme nous t'avons révélé le récit de Moussa et d'autres, nous te racontons certains récits des communautés passées, et tu as reçu de notre part un rappel qui est le Coran. Ceux qui s'en détournent porteront au jour de la résurrection le fardeau de leurs péchés, et ils le porteront éternellement, et quel mauvais fardeau sera le leur au jour de la résurrection. Partant de là, on sait que le mal qui a atteint cette communauté, qui est la nôtre, que ce mal, sa cause principale, tout simplement, c'est que beaucoup, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde, se sont détachés du Coran, se sont détachés de la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, ont donné le dos à la parole d'Allah et à la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Ici, frère Allah subhanahu wa ta'ala, tout un chacun de nous, s'il veut connaître sa réelle valeur, qu'il voit la place du Coran, c'est quoi la place du Coran dans sa vie. Si on veut connaître réellement notre place et notre réelle valeur, il faut qu'on fasse ça avec nous-mêmes et qu'on regarde c'est quoi la place du Coran dans notre vie, dans notre quotidien. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui délaissent le Coran et les enseignements du Coran? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ne récitent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne le dos à ses ordres et à ce qu'il a interdit? Il faut qu'on observe notre situation et qu'on regarde, quand on lit les versets de l'interdiction de l'usure et on ne s'éloigne pas, dans ces cas-là, on a fait quoi? On a délaissé le Coran. C'est un délaissement du Coran. Et si on lit les versets qui interdisent la médisance, le colportage, le mensonge, et on ne s'éloigne pas, c'est une forme de délaissement du Coran. Il ne faut pas se leurrer. Et si on lit les versets qui ordonnent le fait de baisser le regard et on zioute, toute femme qui passe devant nous ou toute jeune fille qui passe devant nous, c'est que on délaisse le fait de mettre en application cet ordre du Coran qui nous a ordonné de baisser le regard et d'être chaste au niveau de son regard. Et si on lit les versets qui nous interdisent la fornication, zina, et on ne le délaisse pas, on a délaissé un des enseignements du Coran. Si on ne délaisse pas, Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran la musique, le faux témoignage, toute futilité, les discours frivoles, et ainsi de suite. Si on ne les délaisse pas, ça veut dire qu'on a un manque dans la mise en application de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous est responsable de lui-même, chacun de nous sait ce qu'il fait, sait ce qu'il pense, etc. On doit prendre des moments où on doit juger notre situation. Où sommes-nous par rapport à la parole d'Allah? Où sommes-nous par rapport aux enseignements du prophète alayhi salam? Parce que c'est la seule issue qui va nous ramener vers la satisfaction d'Allah, qui va nous permettre de vivre une vie apaisée dans ce bas monde et qui va nous prévaloir les délices éternels auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans ça, on a failli à notre mission dans ce bas monde, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et tout ceci nous vient d'où? De la parole d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.